Vous écoutez Radio Croix en Jésus. Nous diffusons les enseignements bibliques liés à l'enlèvement de l'Église et la Bible parlée. Yahweh tobelemi, pembeni na yoe, yamba masajoli, tobonjeli yoe, bomo itopesa na yoe. Mitema posa na yoe. Yawe kumama papa telemana kemo katina biso yaka musungi na bato tobeleli yoe bomo itopesa na yoe. Mitema posa na yoe. Yawe kumama kolobongina lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyonso libanga na talo bomo itopesa na yoe. Mitema posa na yoe. Yawe kumama loboko na yo ya nguya. Yawe esala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakanga mibakangwama. Yawe kumama Yawe tobelemi pembeni na yoe yamba masajoli tobonjeli yoe bomo itopesa na yoe. Mitema posa na yoe. Yawe kumama. Ba wa ba ko se kwae.

na koka momo kozi monena zana bomoi Ozali oya simbi bomoi nanga Ipai na temo tema mipai misu nangeza kotala Ozali likonzi ya bomoi ya masantu Eki melo nanga ozali nzela bipai na kota mbolaka Papa ozali malamu mingi pona ngai Ise kwa liaba yeba kenda unelike yako se kwa Yerobi oza moninga nanga Elongeza na yo ebipa yozali ndeza malamu Koro yozali nyonso ya mutu ya Mobateli nanga ebipa inakona mote mananga Ozali oyo mosusu azali teo Lilo bali abomo ibipa inafanisa elikia Papa yozali malamu mingi mpona ngai Lise kwa liaba iba kenda ona elikia yako se kwa Ozali kimia pese ngonanga Bilembo ya boso mioyo mokilengo kiko pesa te Ipai na suki yangweza suka teo Kobia nonanga abisimba mina yo mosungi na bato Ozali zambe ozana suka teo Mosungi na baye balemba opeba bungisa elikia Iyo simba nyoso nanguya ya liloba na yo Mokeli monene Zambe na biso za kosala Ozali oyo afandi na motema nangai Pe asunga kangai Nakota na kembo na yoe Ozali oyo atondisa likolo na se Na bonzambe na yo Omiso mikumisa yoe Ozali oyo afandi na motema nangai Pe asunga kangai Nakota na kembo na yoe Ozali oyo atondisa likolo na se Na bonzambe na yo Omiso mikumisa yoe Ozali likonzi ya bomo ya masantu Eki melo nanga ozali nzela bipa na kota mbolaka Papa yozali malamu mingi mpona ngai Lise kwa liaba yeba kenda ona elikia yako se kwa Ozali oyo mosusu azali teo Lilo bali abomo ibipa inafanisa elikia Papa yozali malamu mingi mpona ngai Lise kwa liaba yeba kenda ona elikia yako se kwa Ozali nzambe ozana suka teo Osungi na baye balemba ope babungisa elikia Iyo simba nyoso na nguya ya liloba na yo Mokeli monene ozambe na biso za kosala Ozali zambe ozana suka teo Osungi na baye balemba ope babungisa elikia Iyo simba nyoso na nguya ya liloba na yo Mokeli monene uzambe na biso za kosala Répand ton

mais rien ne peut défaire ce qu'il a fait. Le monde et ses plaisirs, la chair et ses désirs ne sauront pas saisir cette grâce. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Jésus la référence, Jésus la référence, il est digne de révérence. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance. Jésus la référence, Jésus la référence, il est digne de révérence. Bamba na talo, kolo Yesu, mama ya wena. Alléluia, alléluia, alléluia. il avait.